Chapitre 149. L'autorisation d'exprimer sa douleur en disant par exemple « je souffre » ou « oh ma tête », paroles qui ne sont pas condamnables si elles n'expriment ni colère ni impatience. 914. Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, rapporte « J'ai rendu visite au prophète alayhi salatu wassalam alors qu'il souffrait d'une forte fièvre. J'ai alors posé mes mains sur lui, puis j'ai dit « tu souffres terriblement ». Il a répondu « Oui, je souffre deux fois plus qu'un homme ordinaire. » Al-Bukhari et Muslim. 915. Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhu, rapporte « Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, m'a un jour rendu visite alors que j'étais très souffrant. J'ai dit « Je suis malade comme tu peux le constater. Or, je suis riche et je n'ai qu'une seule fille pour hériter de moi. » Puis il cita le reste du hadith. Al-Bukhari et Muslim. 916. D'après Al-Qasim ibn Muhammad, Aisha, radiyallahu anha, a dit « Oh ma tête !» en présence du prophète, alayhi salatu wassalam, qui répliqua « C'est plutôt à moi de dire « Oh ma tête !» Puis il cita le reste du hadith. Al-Bukhari. 916.